Bonjour professeur Guillaume de Batty, vous êtes urgentiste au SAMU de Grenoble et vous avez accepté de nous parler aujourd'hui de la double défibrillation séquentielle. La première question concerne la physiopathologie et le principe, le mécanisme de cette double défibrillation séquentielle. Bonjour, je remercie la commission des urgences vitales et la commission jeunes de la SRLF pour l'invitation à participer à ce podcast de Ligne de Mire. Donc la double défibrillation séquentielle est d'actualité suite à une publication dans le New England Journal of Medicine par l'équipe de Sheldon Chesky au Canada. Et c'est part du principe, en cas d'échec de défibrillation sur soit une fibrillation réfractaire, soit une fibrillation récidivante, plutôt que de continuer comme d'habitude à faire de la défibrillation antérolatérale, il y a peut-être un intérêt à changer de vecteur ou d'additionner un second vecteur. Et donc c'est vraiment ce principe de changer d'axe de défibrillation ou de double défibrillation pour réduire une fibrillation réfractaire qui est à la base de cette étude. Dans cette étude, ils ont testé trois stratégies, la stratégie standard, la stratégie avec changement de vecteur, c'est-à-dire de placer des électrodes en antéro-postérieur, et puis la stratégie de double défibrillation séquentielle avec deux chocs quasiment en simultané, juste l'un immédiatement après l'autre, pour défibriller en antéro-latéral et en antéro-postérieur. Le principe physiologique vient d'une théorie qui fait que dans une fibrillation ventriculaire, quand on choque, ça repart, cette fibrillation repart toujours de l'endroit où il y a eu le plus bas de voltage et le moins de courant. Donc plutôt dans la partie postérieure du ventricule gauche. Et c'est là que quand on défibrille en antérolatéral, il y a le moins de courant qui passe. Donc la première chose, c'est déjà, est-ce que de changer de vecteur, de positionner en antéro-postérieur, où on va mieux toucher la zone postérieure du ventricule gauche, permet de diminuer ce bas voltage et d'éviter cette récidive. Et puis le top, entre guillemets, c'est de faire deux défibrillations en séquentiel immédiat, une antéro-latérale et une antéro-postérieure, ce qui fait qu'on a beaucoup moins de zones du cœur qui vont avoir un bas voltage et donc une plus grande chance de réussite de ce choc et de terminaison de cette fibrillation ventriculaire. Un des autres éléments qui pourrait permettre d'expliquer la meilleure réussite et du changement de vecteur et de la double défibrillation est le changement d'impédance thoracique. Dans des résultats publiés après cette étude, ils ont pu montrer qu'en utilisant la position antéro-postérieure, il y a en fait une diminution de l'impédance thoracique. Et on sait que plus cette impédance est faible, plus on a de chances que le choc marche, qu'il y a plus de courant qui peut passer. Et donc d'utiliser en plus de la position antéro-latérale, la position antéro-postérieure où l'impédance est plus faible, ça pourrait améliorer aussi les chances de réussite du choc électrique. La deuxième question, et quelle est l'indication de cette double défibrillation séquentielle et comment la réaliser ? Donc pour qui ? Dans cette étude, ils ont inclus des patients adultes qui présentaient une fibrillation ventriculaire après trois chocs électriques. Donc on est vraiment dans une proportion plus faible de patients. On estime entre 20 et 30% des patients qui vont se retrouver dans ce cas, en cas d'arrêt cardiaque en fibrillation ventriculaire. Et donc, en cas d'échec de défibrillation classique, on utilise cette double défibrillation séquentielle. Donc, l'étude avait trois bras, standard, changement de vecteur ou double défibrillation séquentielle. Donc, les patients étaient randomisés et on testait cette stratégie. Comment on le fait en pratique ? Il faut deux défibrillateurs. Alors, ça peut se faire soit avec un défibrillateur semi-automatique et puis un défibrillateur manuel. À ce moment-là, on va laisser analyser le défibrillateur semi-automatique qui va être positionné en antéro-latéral et on rajoute le défibrillateur manuel, en général de l'équipe SMUR ou de l'équipe de réanimation, en antéro-postérieur. Et on va attendre l'analyse du DSA. Dès qu'il y aura une indication de choc, on a préparé l'autre défibrillateur qu'on a chargé au maximum et qu'on va mettre en charge. Et quand on est prêt, on défibrille immédiatement, l'un après l'autre, les deux défibrillateurs. Un des points importants, et c'était une des analyses ancillaires de cette étude, c'est à quelle vitesse il faut faire cette séquence de deux chocs. Il semblerait que de le faire le plus rapidement possible, c'est mieux. Inférieur à quelques millisecondes, hein, donc vraiment quasiment en simultané avec un tout petit décalage. Alors, il parle toujours de ce petit décalage pour éviter que le courant puisse remonter entre les défibrillateurs, mais en pratique, il n'y a eu aucun accident de défibrillateur, aucun matériel endommagé durant cette étude. Cette étude, donc randomisée, contrôlée, publiée dans le New England en 2022, présente des résultats extrêmement intéressants, mais également quelques limites que nous allons aborder. Tout d'abord, concernant les résultats, 405 patients ont pu être randomisés en trois groupes. Donc un groupe avec défibrillation standard, un groupe avec changement de vecteur et un groupe avec double défibrillation séquentielle. Le critère de jugement principal était la survie à la sortie de l'hôpital, et dans le groupe défibrillation standard, c'était 13,3%, dans le groupe avec changement de vecteur, 21,7%, et dans le groupe avec double défibrillation séquentielle, 30,4%. Donc une très nette différence, hein, plus de 2,2 fois plus de patients en fibrillation réfractaire qui survivent à la sortie de l'hôpital en utilisant la double défibrillation séquentielle. Et puis en termes de survie avec bon devenir neurologique, également 11,2% dans le groupe défibrillation standard et 27,4% dans le groupe double défibrillation séquentielle. Et cette différence était également significative pour ce critère de jugement secondaire. Enfin, pour terminer, nous allons parler des limites de la double défibrillation séquentielle. Dans les limites, la première, c'est que l'étude s'est déroulée pendant le Covid. Ils avaient fait un calcul de nombre de sujets qui nécessitaient plus de 900 patients. Et donc, ils ont inclus moins de la moitié des patients qui étaient prévus dans l'étude. Mais malgré ça, des résultats qui sont significatifs et très intéressants. C'est aussi pour ça que l'index de fragilité est proche de 1. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait peu de patients qui basculent dans un groupe ou par rapport à l'autre pour perdre la significativité des résultats. Et donc ça va nécessiter d'autres études pour confirmer ces résultats. Elle pose également plein d'autres questions. Hein. Est-ce qu'il faut attendre 3 chocs sur une fibrillation réfractaire pour faire une double défibrillation séquentielle? Est-ce que ça ne serait pas finalement plus utile de le faire dès qu'on peut et dès qu'une équipe médicalisée est présente? Également, ils n'avaient pas modifié la stratégie, c'est-à-dire que les patients avaient tous de l'adrénaline et de l'amiodarone. On peut se poser la question de l'utilité de ces médicaments si on a une stratégie de défibrillation qui est plus efficace. Cette étude a donné également lieu à la publication de plusieurs études ancillaires très intéressantes. La première s'intéressait, comme j'ai déjà évoqué, au timing entre deux défibrillations. Ils ont analysé différents groupes dans ces patients qui ont eu une double défibrillation séquentielle et regardé ceux qui ont été défibrillés en moins de 75 millisecondes d'intervalle entre les deux chocs et puis ceux qui avaient eu un délai un peu plus important. Et ils retrouvaient une plus grande chance de réussite de cette double défibrillation séquentielle et d'absence de récidive si l'intervalle était inférieur à 75 millisecondes. Donc il faut vraiment arriver à un temps qui devient quasi simultané entre les deux chocs et pas laisser trop de temps quand on fait cette défibrillation. La deuxième étude ancillaire, également très intéressante, toujours publiée en 2024, analysait la différence de résultats entre la fibrillation ventriculaire réfractaire, c'est-à-dire que dont on a toujours une fibrillation qui persiste et qui s'arrête jamais, et la fibrillation ventriculaire récurrente, le patient qui fibrille, qui reprend un rythme, qui se réarrête, qui refibrille, qui reprend un rythme, qui se réarrête. Les résultats sont complètement différents entre ces deux populations et finalement la majorité du bénéfice est auprès de la population des patients en fibrillation ventriculaire réfractaire, donc ceux qui restent en fibrillation malgré un choc antérolatéral. Et effectivement, on comprend bien que le problème, c'est d'arriver à casser cette fibrillation réfractaire, alors que dans l'autre cas, on arrive à la casser, mais elle recommence probablement liée à d'autres facteurs. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à lire au moins ces deux études. Il y en a d'autres. Il a analysé également la population des patients avec un STEMI par rapport à l'autre. Donc, toute une littérature qui commence à se développer sur le sujet. Donc au total, cette double défibrillation séquentielle est maintenant recommandée pour les systèmes qui peuvent l'implémenter par l'ILCOR, hein, comme une possibilité. Ce n'est pas un haut niveau de preuve, mais en tout cas, c'est une possibilité, et c'est dans les recommandations internationales. Et donc la SFMU a proposé une fiche pratique qui est donc disponible sur le site de la SFMU pour pouvoir la réaliser de façon efficace avec un défibrillateur semi-automatique et un défibrillateur manuel, ou avec deux défibrillateurs manuels lorsque c'est possible. Voilà, je vous invite à les consulter et je vous remercie encore de cette invitation pour participer à ce podcast.